Planète Rap. Cœur dans le nord, j'ai plus cliqué. Alors j'allume une allumette. Rouge et la fraise m'ont allumé. Long comme un fusil à lunettes. 2h du mat, je passe à la pomme. Je pense à avant, ça me fait de la peine. Aujourd'hui, je suis seul. Où sont passés les sangs de la veine? Voir le bruit de nous qui j'aime. Moi, j'ai souffert comme nous qui j'aime. Moi, en vrai, je le laisse pas tomber. Sache que pour lui, je me nique une jambe. Le temps se passe vite. Le petit que je voyais en stunt a sorti le BM. Il a fait péter le charbon. Il a sorti les dernières PM. 30 000 en 3 jours. J'y crois pas, je réalise pas. 5 ans, 16 albums. Ça sera marqué dans l'histoire. Ma tête est cramée partout. Ma carrière et ma caisse. Comme si j'étais l'ennemi du but numéro 1, comme faillite du Jacques Metz. J'ai fait que les micros agressent. J'aime cette fille, elle a le quart blanc et les yeux bleus un peu comme la Grèce. J'ai le cerveau rempli de rêves, pourtant mes yeux ont vu des cauchemars. J'ai vu des gens gratter des blondes et sur le poignet j'avais des hautes marques. J'ai mon label, je mets du doré de platine. La barre file un Nike ou des Decathlon, je porterai pas une autre marque. Heureusement que j'ai la mienne, j'aurais pu tomber sur une petite conne. Et les chemises qui viennent à 4, pourtant j'ai pas commandé chicken. Ma mère m'a dit, mon fils, petit tout. D'ailleurs on s'est retrouvé tout seul, demande à Tico. Ailleurs comme dit Sticky, plus personne qu'est que j'ai assez partagé mon ticket Tika. J'ai de la team, ben on fait partie du même tétard. Avec ton vice, les gens t'éclairent. Ils disent que je vois, mais l'album, ils disent t'écoute. J'sais pas sur ma vie comme du shit, mais en tout cas tu m'effrites toi hein. Poto, on a galéré ensemble, on a partagé le plein vite. Et si la vie t'a baffé, qu'elle t'a réveillé, dis merci. Tu laisses pas engrainer par les tiro et du marzo. Si on a un Bercy, on me dit t'es loin, t'as percé. Et toi je vis tout t'étais, j'ai ouvert les yeux, ça m'a éclairci. Si demain je meurs souris, si je vais en prison, envoie des lettres. Moi j'ai percé dans le rap, alors qu'à l'école j'étais pas un bon élève. J'ai pas de livres, tout ce que je dis c'est ma djingou goul. J'ai pas ta tête un gaga, nous deux je crois que ça va se finir en djoutou. Dire qu'avant j'avais pas un, mon voiture bête je te faisais tirer. Mon baby boy il te le tirage, fautait la B qui sort le virage. Quand j'ai fini, on se reverra plus, faut comme si j'étais mort. J'aime mon quartier, mais ça attendait beaucoup trop de moi, comme si j'étais merde. J'ai pris mes clics et mes quatre, j'ai déménagé, j'ai pris mon disque d'or, mon mic, mes Nike, ma barbe et mes claquettes. J'pars là ou dans la cuisine, ça délire des plaquettes. À dire que maintenant y'a ma tête sur les jaquettes. Né à Marseille, révélé sur YouTube, gros. Moi j'ai pas fait d'études, gros. Tellement vrai que mes adversaires plus le faux. Et en plus faux, pas déconner, ça serait plus moi si demain sur Twitter, Facebook et Instagram, y'aurait plus de faute. 5 ans j'écoute la télé, on me dit ce qui va, tu fais des dégâts. Vas-y fout le feu avec toi et tes gars, je crois que tu pourrais faire le tour du monde avec la voiture d'Italie. C'est tout, respect. Staline, jaloux, qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez le rap, c'est comme du rebraqueur, brûler sa cagoule. J'te braque, remplis le sac à balle pendant que toi tu portes des sacs à boules. Et ta maman et ton papa, sois fidèle à Pablo comme tata. J'suis resté le même, le compte t'attend. Si tu le fais, ça prédit, c'est l'aime, tata. J'suis super, regarde mes yeux, j'suis marqué, regarde ma tête. Écoute que j'dis, écoute que j'dis, j'renverse la peau, sans sur le pet. J'suis pas eu grand frère, j'suis pas pris des gifles. Big up au frère au bonnet, big up au frère à lune, big up au frère à replay. Faut éliminer des gens, tu veux perdre ta place dans le circuit. À dire que même ton ennemi peut porter ton cercueil. Et moi je sers quand je te défends qui tue et qu'il n'y a pas de vue. Mais c'est pas grave, je continue le taf, je sais pas trop moi tu veux. Et comment tu veux, est-ce que tu crois que je suis la star? J'ai même pas un costard frère, je veux pas caler dans ma vie, je veux le starter. DEP, nouvelle start-up, on déboule à 300 comme une spartiate hein. On rentre chez toi, cheval de Troie. Toi et ta bande, fais pas le poids. Faites pas le barbeau, s'il est tout seul, vous êtes à 3. Sur la moto, je suis à droite, la daronne veut porter ma croix. Au cousin, je t'ai prévu, tu dates comme un PS3. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.